Deuxième journée d'activité hier au tournoi Bantam dans le secteur de Mistassini. On en parle avec Pierre-Luc Ménard. Salut Pierre-Luc. Pierre-Luc, qu'est-ce qui s'est passé hier à l'aréna du secteur de Mistassini? Il y avait deux autres matchs au programme. Oui, bien hier, on a eu des matchs, je dirais pas serrés en fait. Hein. Il y a des grosses équipes. Allemands, on a vraiment des bonnes équipes. Donc dans le A, là, hier, les équipes d'Allemands ont lessivé, on va dire, 9-0 les Hurricanes de Mastoyage. Oh, OK. Puis c'était prévisible quand même, parce que les Patriotes de Saint-Bruno, dans le 2B, ont battu nos rapides, nos équipes locales, au compte de 8-1. Patriotes, c'est une grosse équipe, c'est sûr qu'il y a des grosses chances d'aller chercher ce tournoi-là. Je pense que pour les Rapides, c'est vraiment ce soir leur match d'ouverture qui va être le plus important contre les Nationales de la B. Okay. Ils peuvent pas l'échapper. Et le chercher absolument parce que ils veulent passer en demi-finale dans ces deux puis troisième positions qu'ils vont passer. Donc il faut qu'ils battent l'équipe nationale de la B parce que Patriotes, ben, c'est sûr certain qu'ils sont forts. Puis Hurricanes de Mastoyage aussi dans le 2B sont très forts. Fait que, OK. Les deux grosses équipes dans le 2B. OK. Et l'autre match qui était au programme? L'autre match, c'est ça, c'était hier, c'était les Aiglons qui ont battu 9-0 Hurricanes, puis les Patriotes ont gagné 1-1 contre les Rapides. Il y avait deux matchs hier. OK. Donc là, aujourd'hui, là, ça commence vraiment pour le vrai à côté de midi 20. On est sur les deux plateaux, si je ne m'abuse, c'est ça? Oui, on est sur les deux plateaux. On a juste seulement trois matchs à Dolbeau aujourd'hui. OK. Mais à partir de demain, toute la journée aussi, à Dolbeau, qu'elle est. OK. On rappelle aussi que c'est sous la présidence d'honneur de Steve Tremblay, d'IGA, dans le secteur de Mistassini. Et aussi, les prix d'entrée. C'est peut-être avec les prix d'entrée. Prix d'entrée pour une passe de le tournoi, c'est 15$ adultes, 5$ les enfants, en fait, adolescents, 13-17 ans. OK. La passe journalière, c'est 6$ adultes, 2$, 13-17. OK. On rappelle aussi que certains commanditaires qui rendent possible le tournoi? Oui, bien évidemment, nos majeurs, en fait, la caisse de jardin, IGA, évidemment, qui est là depuis plusieurs années. On a Pharmacie Gentil, Garmin Impression, qui sont nos principales commanditaires. OK. Et on peut voir également toutes sur les pages Facebook, des photos, des reportages. On essaie de tenir vraiment alimenté. On peut même écouter les reportages qu'on fait actuellement à Dan Radio Sport. C'est sur Facebook, c'est ça? Oui, la page Facebook, on essaie de la garder le plus à jour possible, la rendre la plus vivante possible. OK. Pierre-Luc, on s'en reparle en fin de semaine. Oui, OK. C'est bon, merci. Pierre-Luc Ménard, le président du tournoi Bantam.